misère misérable. 180 places assises, le reste devrait suivre sans tarder. Plus loin, la queue atterrit sans bruit. Le pilote automatique parachuté dans une crique. Cockpit, cockpit, cockpit observé en plein désert. Kalahari, à la carré. Bermuda en Bermudée dans la buée.